Portrait, une émission de Mike Lécuyer qui vous propose en quelques titres de retracer le parcours de musiciens qui ont marqué l'histoire du blues et du rock. Portrait. Troisième et dernière partie du portrait d'Alain Derem, dit Bill Derem, musicien français, chanteur et guitariste de blues. Je suis descendu tout au fond du blues, là où la pieuvre était cachée. C'est d'où sont à cœur avant tous. Depuis le monde, jamais vraiment lâché. Maniaco dépressif, je suis maniaco dépressif. Poursuivons l'exploration de sa discographie avec un album live, son troisième, enregistré au New Morning et qui paraît en 2005. Maintenant, chaque fois que je les sens, je ne m'affole plus comme hier. Je sais que c'est tout au fond du temps que je me repose et je récupère. Quand je remonte gonflé d'énergie, oh j'émerge et je dépasse la surface. Tout est souvent comme si ma nouvelle vie avait extrait brûlant d'un bloc de glace. Maniaco dépressif, je suis maniaco dépressif. Maniaco-dépressif, c'est toute la vie de Bill qui défile avec sa mère et son père. Aujourd'hui, on dirait bipolaire. Laisse couler pose un regard désabusé sur le 21e siècle qui n'est décidément pas fait pour lui. Les ailes pliées sous blouson, tu fais mort sans fanfare. Les cafards frénétiques te piétinent sans tasse. Toi t'as fermé ta boutique, tu attends que ça se tasse. Tu ne bouges plus, oh, tu fais mort, mais c'est tout ce que tu as cru. Laisse couler, laissez couler, laissez couler. qu'il arrive cool. Cool, le temps s'écoule, il faut que la rivière coule, quoi qu'il arrive coule. Et demain tu te réveilles, les cafards sont ailleurs. Y'a des jours meilleurs. Let's go. Silence et d'or. Ah, let's go. Demain tu seras plus fort. Let's go. Pendant 2 ans, Bill va ensuite composer, très peu, et réarranger, beaucoup, une quinzaine de titres parmi ses incontournables, en réécrivant même parfois des paroles ou des refrains. Je n'ai pas vraiment su choisir entre le mal et le bien. J'ai même souvent choisi le pire, je ne suis qu'un mauvais citoyen. Je me suis fait hâbleur, chanteur de blues renégat. C'était seulement quand j'avais peur que je me jetais dans tes bras. Pour toi que je connais sans te connaître, pour toi que je reconnais quand tu me nommes, pour toi qui fais de mon mal à bien-être. C'est ton regard qui fait de moi un nouvel homme. C'est ton regard qui fait de moi un homme. Tout cela avec de nouveaux musiciens et sa vieille guitare 12 cordes, dans un style électroacoustique en 2007 sous le nom Revisité et en 2008 sous le nom Bouge encore, avec 2 titres supplémentaires et une nouvelle pochette signée Zep, le créateur de Titeuf. Tu sais, je regrette tout ce que je te dis. T'es la meilleure de toutes les filles, de toutes celles que je vois par ici. Ah, si tu t'arrives à la suivre, laisse-moi une chance. Oh, tu sais, je peux faire mieux. Je voudrais tellement que tout commence. Oh, comme quand on riait tous les deux. Comme quand on riait tous les deux. Je comprends pourquoi tu m'as lourdé. Je t'en rends la vie impossible. Mais depuis que les plombs ont sauté, je sais comment charger les fusibles. Laisse-moi une chance. Oh, tu sais, je peux faire mieux. Je voudrais tellement que tout commence. Oh, oh, comme quand on riait tous les deux. Comme quand on riait tous les deux. Je ne vivrai plus en solitaire. Je respecterai tout ce que tu fais. Je ne jetterai plus les cendres par terre. Quand tu viendras tirer le parquet, laisse-moi une chance. Oh, tu sais, je peux faire mieux. Je voudrais tellement que tout commence. Oh, oh, oh, comme quand on riait tous les deux. Comme quand on riait. je te demanderai plus dimanche matin d'aller me chercher des croissants chauds. Pour te revoir, je mangerai du vieux pain ou des biscottes trempés dans l'eau. Oh, laisse-moi une chance. Oh, tu sais, je peux faire mieux. Je voudrais tellement que tout commence. Oh, oh, oh, comme quand on riait tous les deux. Comme quand on riait tous les deux. Pour la première fois, Bill Doreham publie un double CD en 2010 sous le titre Brailleur de fond chez Dixie Frog, où il revisite une nouvelle fois son répertoire passé, agrémenté de 5 morceaux en public et d'une reprise du révérend Gary Davis en duo acoustique avec sa femme Florentine, une manière de se rappeler leurs débuts quand ils sont arrivés à Paris vers 1968. Les trafiquants m'ont acheté, ils n'ont pas pu acheter mon âme. Ils m'ont pressé, poussé, vidé, jeté, mais dans mon cœur brûlera toujours la flamme. Réveillons-nous, brisons les chaînes, l'esclavage n'est pas encore aboli. Voyez d'où vient vraiment la reine et les nouvelles formes qu'elle a prises. Jamais seul à chanter nos chansons. Ils ont eu tout ce qu'ils veulent, ils ont ce que nous voulons. Des chants de rédemption, des chants de rédemption, des chants de rédemption, des chants de rédemption. De le comprendre en écrivant le nouveau dès maintenant comme une chanson d'ici pour mieux l'apprendre. Sortons du flot qui nous entraîne, les marchands nous ne peuvent pas éteindre l'esprit qui se devant de la violence urbaine récolte l'incendie qui le détruit. Nous ne serons plus jamais seul à chanter nos chansons. Ils ont eu tout ce qu'ils veulent, ils ont ce que nous voulons. Des chants de rédemption, des chants de rédemption, des chants de rédemption, des chants de rédemption. Écoutez Portrait, une émission de Mike Lécuyer. Le monde entier est un cactus, il est impossible de s'asseoir. Dans la vie, il y a des cactus, moi je me pique de le savoir. Les années 2010-2020 sont consacrés à de nombreuses collaborations, comme San Severino et Fred Chapelier sur l'album Après-demain en 2013. Le monde entier est un cactus, il est impossible de s'asseoir. Dans la nuit, il y a les cactus, moi je me pique de le savoir. Puis Nouvel Horizon en 2018 avec une pléiade d'invités tels que Cadmérade, Bernard Lavillier, Florent Pagny, Jean-Jacques Milteau, Trio, Fratoun, Yves Jamais, Jonis Jamison et à nouveau San Severino. Sa nouvelle maison de disques, le label Rupture, a sans doute souhaité ou suggéré tout ou partie de ses collaborations pour relancer la carrière de Bill. Mais on l'a senti un peu gêné aux entournures dans les émissions radio ou télé, où Cadmérade, par exemple, était bien plus à l'aise jusqu'à prendre toute la place. Je n'ai qu'allongé sur la bouche de métro, dors d'un profond sommeil. Le bitume est dur, enroulé dans son manteau, il n'entendra plus Paris qui s'éveille. David gonflé voulait devenir pilote, il est devenu pirate. Le CAP de racaille, on sait pas ça qui vote. Un jour David va buter Goliath. Les patriotes enragés qui chantent Aïli Aïlo lui déchirent les oreilles. Le cri rauque du rap dur est autrement plus beau. À chaque coup, y'a un mort qui se réveille. Rien de nouveau, rien de nouveau, rien de nouveau. Le briseur de rêve. La folle ou la fontaine se fait tout loup l'agneau. Wow! Même avec le droit de grève. Rien de nouveau sous le soleil. Rien de nouveau sous le soleil. Rien de nouveau sous le soleil. Le champion détrôné refuse de s'endormir. Il recourt tous les soirs, toujours la même étape. Et ça devient de pire en pire, plus il court, plus il augmente son retard. La journaliste écœurée est au bout du rouleau. Quoi qu'il se passe, faut becquer. Pas facile d'être pigiste et de trouver les mots, si en plus faut dire la vérité. Rien de nouveau sous le soleil. Rien de nouveau sous le soleil. Rien de nouveau sous le soleil. Le trompettiste anonyme au comptoir du bateau. Ce soir ne trompe personne. En parlant de sa femme belle comme Greta Garbo et enlevée par un roi du trombone. Le briseur de rêve frappe toujours dans l'eau. Fais gaffe à toi petit homme, il est assis derrière toi quand tu roules en moto. Même si t'as ton casque, il t'assomme. Rien de nouveau, rien de nouveau, rien de nouveau, crie le briseur de rêve. La folle ou la fontaine se fait toujours. Le droit de grève. Rien de nouveau sous le soleil. Rien de nouveau sous le soleil. Rien de nouveau. En 2021, Bill de Rem annonce officiellement sa retraite sur la page Facebook de son label Rupture, qui envoie en édition promo le disque Nouvel Horizon volume 2 avec la nouvelle composition Adieu vieux monde, qui sonne comme une épitaphe. Le disque n'est, pour l'instant, toujours pas commercialisé. quart des grands tours de Babylone, là où le loup habite en liberté, avec l'agneau et le petit de l'homme, où tout se donne et rien ne peut s'acheter. S'élève une ville toujours nouvelle, qui fait la roi de tous ses habitants, où les murs s'ouvrent sur le bleu du ciel, avec des portes sans battants. Une ville ouverte en pleine nature humaine, on a passé par des vallées obscures, mais le sang pulse dans nos veines. Adieu vieux monde, à stratagème, à tout le pas, c'est le moment qu'enfin les uns les autres s'aiment, sinon périront leurs enfants. Qu'enfin les uns les autres s'aiment, qu'enfin les uns les autres s'aiment. Le parc au jardin sans clôture sera chauffé par le vent, un vent qui soigne toutes les blessures et sèche les larmes indéfiniment. Chacun y jouera sa plus belle musique, on deviendra tous musiciens, compositeurs, poètes et danseurs cosmiques, dans la clarté d'une aube sans fin, sur les bords d'un fleuve aux eaux claires, où viendront boire gorilles et éléphants, en ce sanctuaire aux eaux qui régénèrent, où les vieillards iront comme les enfants. Allure du monde, à stratagème, attends le pas, c'est le moment, qu'enfin les uns les autres s'aiment, sinon périront leurs enfants. Qu'enfin les uns les autres s'aiment, qu'enfin les uns les autres s'aiment. Les cauchemars sont de vieux souvenirs, effacés, dépassés, oubliés. Ceux qui auront vécu le pire trouveront le bonheur d'être aimés. Il n'y aura plus de froid d'indifférence, la différence forgera l'unité. La communion viendra tellement intense qu'on pourra plus jamais nous séparer. Entendrons-nous les cris de l'animal, du haut du ciel au fond de l'océan, qu'enfin l'amour nous délivre du mal et du vieux monde agonisant. Adieu du monde, à stratagème, attends le pas, c'est le moment, qu'enfin les uns les autres s'aiment, sinon périront leurs enfants. Qu'enfin les uns les autres s'aiment, qu'enfin les uns les autres s'aiment, qu'enfin les uns les autres s'aiment. Pour conclure ce portrait de Bill Doreym, voici quelques témoignages d'artistes qui ont eu le plaisir et l'honneur de travailler avec lui. Cadmerade, acteur. Pour moi, Bill Doreym, c'est vraiment la voix du blues français. J'ai une histoire avec lui depuis longtemps. J'ai commencé par la musique assez jeune, j'étais batteur-chanteur, et à la fin de chaque concert, on jouait un dernier blues. Zep, dessinateur. Dans les chansons de Bill, il y a une sincérité, une rage qui me touche beaucoup, et en même temps, il est drôle. C'est assez rare dans la chanson française. Yves Jamais, chanteur. C'est d'abord son propos qui m'a plu. Ses textes sont super bien écrits. C'est ce qui m'a poussé à écouter du blues à travers Bill. Je ne me suis pas demandé si c'était un bluesman. Pour moi, c'était un chanteur de chansons françaises. Pour vous intéresser, que je joue de la contrebasse, manchot avec les pieds, écoutez-moi gémir, oh, arrêtez-vous un peu, faites-moi un petit sourire ou un geste avec eux. Je suis un chanteur. Mauro Ceri, guitariste. Je l'ai découvert fin 1979 grâce à Jean-Jacques Milteau qui insistait pour que Bill de Rem enregistre car il n'osait pas se lancer. J'ai aidé à faire sortir le papillon. Et je suis devenu son guitariste orchestrateur car ses chansons, c'était un texte sur une grille d'accords avec une mélodie qui se cherchait un peu. Mais il avait la voix et des paroles au contenu très fort. Je l'ai secondé tout au long de presque 4 décennies et cela fait une grosse partie de ma carrière. Cela m'a permis de m'exprimer et de m'exposer en tant que musicien, arrangeur, choriste. Je me souviens de la création instrumentale du titre « Plus la peine de frimer » en une prise avec l'envie de l'excellence et avec Eddie Mitchell en cabine qui écoutait pour m'engager. Merci Bill. Quelques réflexions de Bill de Rem lui-même. Le blues, c'est la vie. Tu chantes ce que tu vis et tu vis ce que tu chantes. C'est le rôle de l'art de transfigurer la souffrance pour en faire de la joie. Que deviendrait-on sans musique? Je chante tous les jours et je vais toujours mieux après. Et j'espère que c'est pareil pour les gens après m'avoir écouté. C'est ça le partage. C'est la fin du petit concert dans la ville de banlieue. On ira boire un dernier verre, on rentrera heureux. Tous les nouveaux amis sont encore là. La ville est endormie, nous on dort pas. Un dernier blues avant de partir. Un dernier blues pour se faire plaisir. Un dernier blues avant de partir. You know the sun is gonna shine. The sun is gonna shine. The sun is gonna shine. Le petit frisé du premier rang s'est défoncé les paumes à contre-temps. Mais c'est pas grave, ça fait du bien de le voir qui frappe dans ses mains. Un dernier blues avant de partir. Oh, the sun is gonna shine on my back door someday. J'suis sur les genoux d'avoir t'embraillé. Ma chemise est mouillée, ma guitare désaccordée. Il faudra ranger la sono dans le vieux bus fatigué. But it's alright, un jour coco, on n'aura plus qu'à jouer. Un dernier blues avant de partir. Un dernier blues pour se faire plaisir. Un dernier blues avant de partir. You know the sun is gonna shine. The sun is gonna shine. The sun is gonna shine. You know the sun is gonna shine. The sun is gonna shine. The sun is gonna shine. The sun is gonna shine. The sun is gonna shine. The sun is gonna shine. The sun is gonna shine. Bill Durham chante simplement son blues, un blues d'ici, dans l'univers du blues français où il aura traîné sa voix rocailleuse depuis les années 1970, avec des hauts et des bas, jusqu'à sa retraite officielle en 2021. Bye bye, Mr. Blues. C'était l'émission Portrait. Bonsoir.